clé. J'allais commencer mon thé. Oui, oui, oui, ici c'est au diapason. Oui, oui, oui, vous c'est pas mi-saison. Mais descend si pas audition, vous autres petits ni raison. J'allais commencer mon thé. Miami, Brazil, Africa, and Montezot. comment ça qui rive. Tout le monde là j'apparaît. Gardez yo qu'à danser. Mes amis mignon pied. Noël la caille rentrée. La jeunesse décidée. Faut pas rester cité. C'est souqué pour souqué. Carnaval pas parlé, dans la rue c'est diffé, vider la caille passée, tout le monde à nous aller. Okay.